te mets pas la cour. Je n'ai pas besoin d'amour. Je n'en veux pas, je n'en veux pas. Non, je n'ai pas besoin d'amour. Plein zéro dans mes négos, jamais sans mes négros. Parle pas bigrave dans mon bigot, hachiche noir dans les mégots. Violence sur mes négros, impatience sur mes négros. Pour de l'argent, tue des négros, intelligent sur mes négros. En face, l'échec est cuisant, comme Amar qui a pris 10 ans. Parloir, toi l'épuisant, sale noir, je n'ai puissant. Je suis de banlieue, je suis des Hauts-de-Seine. Un des clous potentiels, je n'ai qu'un train, tu es un corsaire. Je n'ai qu'un train, les ensorcelles. Mes soldats, mes demoiselles, la halte vient de Bakel, à la cheveux noire, tu es noisette. Juste elle et moi dans la navette. Parfait, je ne suis pas. Si t'es pas gang, ne me suis pas. Rends plus fort ce qui me tue pas. C'est à son trop tuba. Je n'ai qu'une vie. Fais la saigner comme j'ai saigné tous mes ennemis. Je n'ai qu'une vie. Elle m'a tout pris, elle m'a tout pris. Ce que j'aimais, son dire merci. Africaine de la main d'œuvre, soviète de la manœuvre. Je suis arabe sur des bardeurs. Je n'ai qu'une vie. Démarre la fusée direct. Sa mère le compte à rebours. Fais-moi la cour avec ta queue. Je n'ai pas besoin d'amour. J'ai nos diamants sur le vinaigre. Moteur allemand sur la vignette. T'es dans le turf qu'à la villette. Passez doucement sur le vinaigre. J'suis Malcolm X, t'es qu'un vieux nec. J'vais t'attraper par la queue nec. J'vais te traiter comme on ose. J'vais te jeter par la fenêtre. Mon background est malhonnête. Haute-Seine où j'acconnais. Mon faible par connaître. Izzy sur la comète. Mon refrain sur la pommette. J'me la promets et la remets. Y'a de la Renoir, y'a de la beurette. J'suis le renard, t'es la belette. Aumjima sur le coyos. E.R. cigarillos. J'fais mes prières dans le cosmos. Adios tous les polos. Je n'ai qu'une vie. Fais la saigner comme j'ai saigné tous mes ennemis. Je n'ai qu'une vie. Elle m'a tout pris, ce que j'aimais, son dire merci. Africaine de la main d'œuvre, soviète de la manœuvre. Je suis arabe sur des bardeurs, tu fais l'amour comme un ardeur. Je n'ai qu'une vie. Je n'ai qu'une vie. Ils ont donné le poste à Thomas, dans le cul à U, Abdelhamid. J'préfère le boulard Fatoumata que le boulard d'Adelaïd. 1, 2, 3, 4, Bihad, polygamie. Œil noir, j'suis à Carthage, on est de la pyramide. Si j'ai assez, frère, je partage. Sinon, nique ton arrière, mamie. Si tu me cherches, j'suis dans le 9-2 ou dans l'Oser à Miami. J'ai tapé dur, y'a pas de hasard. J'suis sur la mer sans vis-à-vis. Comme toi, j'suis que de passage. Hemi, toute la vie. J'suis dans le texte, j'suis en Asie. Nique ta mère, elle est basée. Lamborghini, Ferrari, nique ta mère, elle est basée. Yallah, on a qu'une vie. J'préfère tirer que de scuder. Tu crois que tu vas briller sur qui? T'auras pas besoin qu'il te survie. Je n'ai qu'une vie.